tes pieds. Je suis créé pour t'aimer. Béni kuna yedini esao. Allez nadre o. Si c'est sens unique, je te suivrai. Oh, c'est moi qui l'ai dit, je t'assumerai. Amour, c'est qui le vient, mais nadre c'est mieux. Chérie, à cause de toi, je deviendrai fou. Je sais à mes sens. Même si c'est vieux, si tu souffles un peu. Again.